Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la 13e case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! Que la nuit porte conseil. Léon et Auguste, ce matin-là, ne partageaient pas du tout cette idée. Cela faisait maintenant plusieurs jours qu'ils menaient l'enquête dans le royaume du Père Noël afin de découvrir où, comment et par la faute de qui la liste de Noël avait bien pu disparaître. Après avoir interrogé Gédéon, le secrétaire, Hector, le lutin chargé du ménage ce jour-là, et le renne Rudolphe, ils n'avaient pas vraiment avancé. Ils trouvaient même qu'ils avaient presque reculé dans leurs recherches. Ils avaient la désagréable sensation que tout le monde leur mentait ici, ou du moins leur cachait une partie de la vérité. Dis Léon, qui pourrions-nous rencontrer aujourd'hui qui soit à coup sûr une personne honnête ? Auguste, je vois où tu veux en venir, mais Gédéon a été clair lorsqu'il nous a expliqué les faits. Jamais il n'acceptera de nous voir. Il en retourne de la sécurité de la fête de Noël, tu le sais bien. Ce serait autrement plus grave que la disparition de cette liste. Certes, on ne peut pas le voir, et de toute façon, il s'est enfermé dans son bureau. Mais justement, nous pourrions l'interroger à travers la porte. On ne le verrait pas, mais l'enquête avancerait quand même. Auguste, tu es un génie! Papy serait tellement fier de toi! Filons vite dire à Gédéon qu'il doit nous conduire jusqu'au bureau du Père Noël. L'idée d'Auguste semblait effectivement très bonne, mais... Oh, Gus, Léon, vous êtes adorables. Mais dites-moi, vous n'y pensez pas sérieusement. Non seulement vous ne pouvez et ne devez pas voir le Père Noël, mais vous ne devez pas non plus communiquer avec lui. Ce serait remettre en péril tout le secret du royaume, de la tournée de cadeaux et la magie de Noël tout entière. En outre, il a jeté un sort très puissant contre la porte de son bureau. Celle-ci est magiquement scellée et ne peut être approchée que pour deux cas très précis. Lorsque le lutin ou la lutine chargée du repas vient déposer son plateau devant, dans ce cas, la porte reste en place. Autrement, lorsqu'on s'en approche, elle fuit à l'autre bout du couloir. Et on peut frapper trois coups pour signifier au Père Noël que son repas est servi. Une trappe apparaît alors à travers laquelle le plateau est aspiré, mais personne à ce moment-là ne peut parler avec lui pour autant. Il a coupé le son extérieur. Le deuxième cas qui permet directement d'ouvrir la porte sous la seule et unique condition que la liste ait été retrouvée. En dehors de ces deux situations, il nous est nous-mêmes impossible d'entrer en communication avec lui. Il tente de reconstituer la liste d'après ses souvenirs. C'est une tâche extrêmement longue et ardue. Il a besoin d'un niveau de concentration qui nous dépasse totalement. Les garçons sentaient peu à peu leur morale s'affaiblir à mesure que la résolution de l'enquête, elle, semblait s'éloigner inexorablement. Ils ne savaient même plus qui allait interroger et décidèrent d'aller se promener dans le domaine afin de s'éclaircir les idées et, qui sait, d'avoir une illumination. Je ne vais pas vous dire à nouveau à quel point les lieux étaient magnifiques. De grandes étendues de nature recouvertes d'une neige impeccablement blanche. Des bâtiments joliment construits en bois avec des toits végétaux se confondaient presque avec l'immense forêt qui bordait le royaume. Le silence qui régnait sur les lieux était apaisant et agréablement ponctué ça et là des rires des lutins et lutines, ou même des rennes. Et la fabrique de cadeaux faisait entendre des bruits de scie et autres marteaux qui laissaient imaginer les jolis présents en cours de construction. Léon et Auguste ne voyaient pas davantage de solutions à leurs problèmes, mais cette marche avait au moins le mérite de les avoir rendus plus sereins. Ils savaient que cela les aiderait par la suite. Ils avançaient au hasard le long des chemins tracés à travers la vaste étendue de neige et se retrouvèrent devant un bâtiment qu'ils n'avaient pas encore remarqué jusqu'ici. D'après le grand panneau qui recouvrait la moitié de la façade principale, il s'agissait du centre de formation du pôle Nord. Auguste et Léon, dont la curiosité venait d'être piquée, se rendirent à l'intérieur pour en apprendre davantage sur ce lieu. Ils rencontrèrent dans le hall un groupe de lutins en formation. Trois lutins et quatre lutines qui avaient entre 385 et 408 ans. Ce sympathique groupe de jeunes gens leur proposa de leur faire une rapide visite des lieux. C'est Mélodie, la plus jeune du groupe, mais aussi la plus pétillante, qui prit la tête du cortège et mena la visite. Au fond de ce couloir se trouve l'atelier. C'est là que nous apprenons à manier tous les outils nécessaires à la fabrication des jouets. La porte juste avant est celle de la conception. Là, il s'agit d'imaginer les jouets avant de partir en fabrication. Ici, c'est l'atelier de couture, par là les cuisines pour les pâtisseries, sucreries et autres paniers garnis. Tout en haut de la tour, d'où s'échappent de drôles de couleurs par les fenêtres, se trouve la salle de magie. Oh, d'ailleurs, il va falloir que nous ne tardions pas à y aller. Ah bah oui, il faudrait pas se mettre là si gentille et si innocente, Marie-Gertrude Ado. Oh, ça suffit un peu, toi. Auguste, Léon, ne l'écoutez pas. Il fait partie de ces quelques lutins qui n'arrivent pas à croire que celle qu'on appelait autrefois la sorcière de Noël est définitivement débarrassée du sort qui faisait d'elle une horrible personne. Elle est maintenant redevenue elle-même et est une adorable et extrêmement puissante druidesse qui partage avec nous son savoir. Tu devrais avoir honte de colporter encore ce genre de rumeur. Je dis rien, moi, tu sais, mais je n'en pense pas moins. Si c'est pour penser ainsi, vraiment, tu peux en effet t'abstenir. Et continue de ne rien dire tant que tu y es, ça nous fera des vacances à tous. Tenez, messieurs, je vous laisse la brochure du centre de formation. Vous aurez tout un tas d'autres informations dessus. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bon courage et merci pour l'enquête. Au revoir. Au revoir et merci à tous pour votre aide. Oh, une dernière chose. Oui, Mélodie? Avez-vous pensé à questionner Sully? Encore faudrait-il que nous sachions qui est Sully. Il s'agit de la souris qui s'est installée dans les murs de la chambre du Père Noël. C'est une vraie fouineuse. Elle fourre son nez partout et est au courant de tout. Elle est si minuscule qu'on ne la remarque pas. C'est ainsi qu'elle connaît tout ce qui se passe dans le royaume. Si elle était sur place à ce moment-là, vous pouvez être certain qu'elle a tout vu et tout entendu. Mais préparez-vous, elle est comment dire... particulière. Allez, je file. Bon courage et à bientôt. Encore merci, Mélodie. Au revoir. Les garçons se rendirent immédiatement dans la chambre du Père Noël et n'eurent pas de mal à trouver le trou par lequel Sully devait sans doute s'introduire dans le mur. Ils tapotèrent délicatement juste à côté de la minuscule entrée. Presque aussitôt, la toute petite tête de la toute petite souris apparut, ce qui les fit sursauter. Quoi ? Qui êtes-vous ? Et pourquoi donc osez-vous me déranger ? Auguste et Léon ne s'attendaient tellement pas à cette réaction de la part de la souris qu'ils explosèrent de rire. Et vous vous fichez de moi en plus ? Homme de malotru ! Fichez le camp d'ici ! Et si vous avez vraiment quelque chose d'important à me dire, ne revenez que lorsque vous aurez de quoi vous faire pardonner correctement ! Et ça a intérêt à être comestible, bien moelleux et avoir un glaçage délicieux si vous voyez de quoi je veux parler ! Allez, ouste ! Quelle drôle de rencontre que venaient de faire les deux frères ! Ils n'en revenaient pas. Ils ne pensaient pas qu'il serait si difficile de communiquer avec cette petite souris. Il leur fallait maintenant trouver de quoi l'amadouer. Peut-être qu'ils ne le savent pas encore, mais qu'ils ont la solution à portée de main. Je crois me souvenir qu'ils sont bien équipés grâce à Gédéon. Qu'en pensez-vous, les enfants? N'hésitez pas à retourner voir sur notre site internet et sur Facebook si vous souhaitez davantage d'indices, ou même pour nous donner votre avis ou nous questionner à propos de l'enquête. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Oh, et j'y pense. Si vous voulez en savoir plus concernant l'histoire de Marie-Gertrude dont parlaient les jeunes lutins, je vous invite à écouter mon conte intitulé « La sorcière de Noël ». Vous y apprendrez des choses folles à propos de cette fameuse sorcière. J'espère en tout cas que vous avancez bien dans votre enquête. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour savoir comment les garçons vont se débrouiller avec cette petite souris. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous, votre Marcel.